aux légendes de Charlemagne, se trouvait le récit d'un de ses fidèles d'armes, qui en appelle à son neveu pour faire ses dernières volontés, avant de rendre son dernier souffle. Il lui dit, « Serviteur de mon prince depuis 60 ans, je n'ai rien amassé des biens de ce monde. Seules mes armes et mon cheval m'appartiennent. Je te laisse mes armes, mais dès que je ne serai plus, promets-moi de distribuer aux pauvres tout le prix de la vente de mon cheval. » Le neveu promit de faire la volonté de son oncle, qui mourut en paix, car il était loyal et bon chrétien. Une fois en terre, le jeune homme fut tenté de garder le vaillant cheval pour lui, et il ne le vendit pas, ni donna pas de denier aux pauvres. 6 mois après, l'âme du cavalier lui apparut, et dit, « Je souffre de grandes peines au purgatoire depuis 6 mois, car tu n'as pas fait ce que je t'ai ordonné pour le salut de mon âme. Voici maintenant, Dieu, le juste juge sur toutes choses, a ordonné à ses anges que mon âme soit mise au repos éternel. Mais la tienne subira les tourments de mes peines qui restent à expier pour mes péchés. » Au même instant, le neveu fut saisi d'un mal violent et mourut peu après. Il partit payer la dette dont il était chargé d'acquitter pour son oncle.